الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ومن أسماء الله الحسنى النور، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur nous dit: le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, An-Nur, a été mentionné une fois dans le Coran, dans Surat An-Nur, dans le verset dont la traduction des sens approximative est: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est savant de toutes choses. وقد أفاد هذا النص وغيره من النصوص الواردة في هذا الباب تسمية الرب سبحانه نورا وبأن له نورا مضافا إليه وبأنه نور السماوات والأرض وبأن حجابه نور، فهذه أربعة أنواع. Ce texte ainsi que d'autres parmi les preuves du Coran de la Sunna qui ont été mentionnées nous indiquent que parmi les noms du Seigneur, il y a An-Nur. On comprend également que la lumière lui est annexée et qu'il est la lumière des cieux et de la terre. Et également que son voile est lumière. Voici donc quatre sortes. Al-awwal itlaquhu alayhi subhanahu isman. Premièrement, le fait de lui attribuer un nur en tant que nom. الثاني إضافة إليه وصفا. Deuxièmement, lui annexer en tant qu'attribut. كما يضاف إليه حياته أو حياته وسمعه وبصره وسائر صفاته، وتارة يضاف إلى وجهه كقوله تعالى في الحديث: أعوذ بنور وجهك، وتارة يضاف إلى ذاته كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. Donc deuxièmement, on lui annexe en tant qu'attribut, tout comme on lui annexe sa vie, son ouïe, sa vue et l'ensemble de ses attributs. Et par moment, cette lumière est annexée à son visage. Comme dans le hadith, A'udhu bi nuri wajhik, je cherche protection auprès de la lumière de ton visage. À d'autres moments, la lumière lui est annexée à lui, à son être. Tout comme c'est le cas dans la parole d'Allah dans Sourate Az-Zumar, et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Al-Thalith, troisièmement, Idafatu nurihi la samawati wal ard. Kakaulihi Allahu nuru samawati wal ard. Troisièmement, le fait d'annexer sa lumière aux cieux et à la terre. Tout comme dans sa parole, Allah est la lumière des cieux et de la terre. الرابع ذكر أن حجابه النور كما في الحديث الصحيح حجاب نور لو كشفه لحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Quatrièmement, la mention de son voile de lumière. Tout comme dans le hadith authentique, son voile est de lumière. Son voile est de lumière. Ou bien son voile est une lumière. S'il enlevait, la splendeur de son visage brûlerait tout ce que sa vision atteindrait parmi sa création. Subhanallah. Donc voici quatre sortes de lumière mentionnées dans les textes. Qala الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في كلام جامع له في بيان معنى هذا الاسم وتوضيح مدلوله النور من أوصاف تعالى على نوعين. Le grand savant عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله nous dit dans une parole à lui rassemblant l'essence de ce nom-là, An-Nur, nous dit dans une parole dans laquelle il éclaircit cela qu'il y a deux sortes. Nurun hissi wa nurun ma'anawi. Il y a une lumière concrète et il y a une lumière abstraite. Il y a une lumière concrète et il y a une lumière abstraite. Nourun hissi wa huwa ma tassafa bihi min an-nur al-'azim alladhi law kashafa al-hijab 'an wajhi la harqat subuhat wajhi nura wa nur jalalihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Wa hadha an-nur la yumkinu at-ta'bir 'anhu illa bimithl hadhi al-'ibarat an-nabawiyyah al-mu'addiyah lil-ma'na al-'azim wa annahu la tutiqu al-makhluqat kulluha ath-thubut li nur wajhi law تبدى لها ولولا أن أهل الدار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة يعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره فنور العرش والكرسي والجنات من نوره. La lumière concrète est celle par laquelle Allah est décrit. C'est l'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette lumière immense. Celle que s'il l'ôtait de sa face, ou celle que s'il découvrait le voile de sa face, aurait brûlé ou consumé sa création à portée de vue. La lumière de sa majesté, aurait brûlé, tout ce que sa vue aurait atteint parmi ses créatures, c'est-à-dire l'ensemble. Cette lumière, on ne peut l'exprimer et la décrire, on ne peut trouver les mots, si ce n'est en utilisant les paroles prophétiques qui montrent ses sens des plus nobles. Cette lumière que ne peut supporter les créatures et devant laquelle personne ne peut faire face, celle se manifestait à eux. Et si le Seigneur n'octroyait pas aux habitants de la demeure éternelle une vie parfaite et ne leur venait pas en aide, ils n'auraient pu avoir la capacité de voir le Seigneur immense. Et l'ensemble des lumières, dans les endroits supérieurs des cieux, ne proviennent que de sa lumière, que de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus encore, la lumière des jardins du paradis, du délice, dont la largeur, dont l'espace entre les cieux et la terre, ainsi que leur vasteté, n'est connue que par Allah. Cette lumière-là ne provient que de la lumière d'Allah. La lumière du arche, du trône, du coursi, du repose-pied, ou bien de l'endroit des pieds d'Allah. Littéralement, pose-pied, mais cette expression en française ne se dit pas. Donc, l'endroit des pieds d'Allah. On dit « repose-pied » en français littéralement. Puis nous disons « laissa kamithlisha », il n'y a rien qui lui soit semblable. Et pour sortir de tout cela, bien que ça ne soit pas une erreur, « Wallahu a'lam », l'endroit des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, « al-kursi » est l'endroit des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la lumière de son trône, la lumière du kursi, la lumière de ses jardins, n'est qu'une lumière qui provient de la lumière d'Allah. Sans compter la lumière du soleil, de la lune et des astres ou des étoiles. Ça, c'est le premier type de lumière, la lumière concrète. Le deuxième type de lumière, nuruhul ma'anawi, sa lumière abstraite. Wa huwa nurul ladhi nawwara quluba anbiya'ihi wa asfiya'ihi wa awliya'ihi wa malaikati. Soyez concentrés sur ce passage des plus magnifiques. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit: Nuruhu al-ma'nawi huwa an-nuru alladhi nawwara quluba anbiya'ihi wa asfiya'ihi wa awliya'ihi wa malaikati min anwari ma'rifatihi wa anwari mahabbatihi. فإن لمعرفتي في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها. والعلم به أجل العلوم والعلم النافع كله أنوار في القلوب فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه فهنالك تملأ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحس والنعيم. فهنالك تملأ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعه وفنون لذات المتشابهه في الحس والنعيم. Oh, combien est belle la parole d'Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala ici. La deuxième sorte de lumière, sa lumière abstraite. C'est la lumière par laquelle il a illuminé les cœurs de ses prophètes, de ses élus, de ses rapprochés bien-aimés, de ses anges. Il les a dotés de lumière de sa connaissance, de lumière de son amour. Car certes, la connaissance d'Allah qui habite le cœur de ses bien-aimés rapprochés parmi les croyants est une lumière. Plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses attributs de magnificence, et plus tu as comme croyance qu'il a les attributs de beauté, plus tu obtiendras une part de cette lumière. Et chaque attribut, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, a un effet dans les cœurs, a un effet dans leur cœur. Car certes, la connaissance du maître est au-dessus de toute autre connaissance. La connaissance du maître d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus immense et la plus immense de toutes les connaissances. Et la connaissance relative à Allah subhanahu wa ta'ala est la connaissance la plus sublime, la meilleure des sciences. Et si nous disons de la science utile, qu'elle est entièrement une lumière, quelle que soit la science, c'est une lumière dans les cœurs, que dire alors de la meilleure des sciences, de la plus noble, de sa base et de son socle? Que dire alors si on ajoute à cela la lumière de son amour et du retour vers lui? Allahu Akbar. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit: que dire alors si on ajoute à tout ce qu'on vient de dire la lumière de son amour, la lumière du retour vers Allah par le délaissement des péchés, la mise en pratique de ce qu'il nous a commandé? À ce moment-là, chaque recoin du cœur se remplirait de toutes parts de cette lumière, de ces différents types de lumière et de différentes sortes de plaisirs. Assemblant la lumière abstraite et complète, abstraite et concrète. Le cœur du serviteur se remplit de lumière en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, en aimant Allah tabaraka wa ta'ala, en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, en étudiant ses noms et ses attributs. Et ça a un effet incommensurable sur les cœurs du fils de Adam. Sur le cœur du fils de Adam. Car la science, de manière générale, c'est une lumière. Mais la science de la connaissance d'Allah est la science la plus noble, la meilleure, la base. Ainsi, cette lumière est plus forte dans le cœur du serviteur. Et si tu ajoutes à cela la lumière de son amour et du retour vers lui, à ce moment-là, cette lumière-là prendra toute part dans le cœur. Prendra toute part et toute perspective dans le cœur. Et ainsi, il goûtera à toutes sortes de délices et de plaisirs. فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الإلهية والتعظيم والإجلال والتكبير. Ensuite, l'auteur, حفظه الله تعالى, nous dit: l'essence de grandeur, de sublimité, de majesté, de noblesse remplissent les cœurs, remplissent leurs cœurs des lumières. J'ai dit l'ilahiyya, c'est al-hiba, min anwar al-hibati wa ta'zim, remplissent leur cœur de lumière, de crainte, min al-haybati, de crainte révérentielle. Al-hayba, c'est la crainte révérentielle, wa ta'zim, d'exaltation, wa al-ijlal, de vénération, wa takbir, et de grandeur ou de glorification. Donc voici ce qui remplit les cœurs. Voici ce qui remplit les cœurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le connaissant. La grandeur, la vénération, la crainte révérentielle. ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والود on dit aussi الود والشوق. الله أكبر. Et l'essence de beauté, de bienfaisance, de perfection ou de générosité remplissent leur cœur de lumière, d'amour, d'affection et de désir. Ils ressentent un manque d'aller vers l'adoration d'Allah et d'aller vers Allah. Ils désirent fortement le rencontrer. ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. Quant au sens de la miséricorde, de la grande pitié, de la grande générosité et de la douceur, ces sens-là remplissent leur cœur de lumière, d'amour, qui ne cesse d'augmenter. Ou qui se développe encore plus. وأنوار الشكر نعم. Il développe également la lumière de la reconnaissance, de la louange sous toutes ses formes et de ses éloges. ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وثناء التحبب وأسرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبا وإنابة وانصراف القلب عن التعلق بالأغيار كلها. Il nous dit ensuite que l'essence de la divinité remplisse leur cœur de lumière de servitude et de splendeur dans le fait de se rapprocher d'Allah. Aussi, ça remplit leur cœur de la liberté de se rattacher à tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ils rattachent leur cœur uniquement à Allah. Tous leurs désirs et toutes leurs craintes, tous leurs désirs et toutes leurs craintes ne sont dirigées que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils recherchent le retour que vers lui. Et ils détachent leur cœur de tout autre que lui. Donc, ils se dirigent uniquement vers Allah, se détournent de tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et ne cessent de se rapprocher de lui. Ainsi se développe leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ani al-ilm, wal-ihatati wal-shahadati, والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبتي وتوصيلهم إلى مقام الإحسان وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Nous avons également l'essence de la connaissance, de l'omniscience, du témoignage et de la proximité particulière. Ces sens-là comblent leur cœur de lumière. Comblent leur cœur de lumière. Ainsi, ils se sentent constamment surveillés par Allah. Et cela les amène au degré de l'excellence, le niveau le plus haut, la station la plus élevée. Celle qui consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في إملاء القلب من نوره. Chacun des sens des qualités du Seigneur suffit à remplir le cœur de sa lumière. فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها وهو قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ضري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Qu'en est-il de ces significations? Qu'en est-il si ces significations parvenaient, dans toute leur diversité, au cœur pur, vertueux et intelligent? Dans cette condition, s'appliquerait à ces cœurs purs cette parabole mentionnée par Allah dans le Coran. Le symbole de sa lumière sera un foyer où se trouverait une lampe qui elle-même serait nichée dans un récipient de cristal ayant l'éclat d'un astre brillant qui tirerait sa luminosité d'un arbre béni. Un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident et dont l'huile jetterait sa clarté presque d'elle-même sans avoir été touchée par aucune étincelle, donnant ainsi lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. وهذا النور المضروب هنا نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور وهو أعظم مثل يعرف العباد وقد دعا أو يعرف العباد وقد دعا سبحانه وتعالى لحصول هذا النور وقد دعا صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعلني نورا متفق عليه. Pour expliquer cette parabole dans le Coran, cette lumière, c'est la lumière de la foi en Allah. Grâce à ses caractéristiques et à ses signes, elle est dans le cœur des croyants. Donc, ici on nous mentionne en parabole une lumière. Cette lumière, c'est la lumière de la foi en Allah. en ses attributs, en ses versets. Cette lumière dans le cœur des croyants a été mentionnée en parabole. Tel l'ensemble des causes qui viennent attiser la lumière. Et c'est la plus grande parabole qu'on puisse connaître. Et c'est la plus grande parabole connue des serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a invoqué Allah afin d'obtenir cette lumière. Il disait, « Oh Allah, place une lumière dans mon cœur, et dans mon ouïe une lumière, et dans ma vue une lumière, et à ma droite une lumière, et à ma gauche une lumière, et au-dessus de moi une lumière, en dessous de moi une lumière. » Et il finissait en disant, « Oh Allah, accorde-moi une lumière. » Pour Allah maj'alni nouran, est-ce que c'est fait de moi une lumière ou accorde-moi une lumière, il faudra regarder dans l'explication du hadith. Ce hadith est rapporté par le Bukhari Muslim selon Abdullah ibn Abbas dans le hadith de la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Famatam tala al qalbu min hadha an-nur fada ala wajhi fastanara al-wajh وانقادت الجوارح بالطاعة رغبة وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. À partir du moment ou bien dès lors que le cœur se remplit de cette lumière, il inondera le visage. Aussitôt celui-ci s'illuminera et ses membres se soumettront volontairement à l'obéissance d'Allah avec désir. Et cette lumière qui se trouve dans le cœur est ce qui empêche les serviteurs de commettre les turpitudes. Comme dans le hadith de Abu Huraira dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le fornicateur ne fornique pas tout en étant croyant au moment où il fornique. Et le voleur ne vole pas au moment où il vole tout en étant croyant. Et celui qui boit de l'alcool au moment où il boit de l'alcool n'est pas croyant. » Donc celui qui commet la fornication, bien le fornicateur ne commet pas la fornication au moment où il la commet tout en étant croyant. Et le voleur ne commet pas ou ne vole pas au moment où il vole tout en étant croyant. Et celui qui boit de l'alcool au moment où il boit de l'alcool, ou bien il ne boit pas de l'alcool au moment où il boit de l'alcool tout en étant croyant. C'est-à-dire il n'a pas la foi complète. Il n'a pas la foi complète au moment où il fait cela. فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. C'est-à-dire qu'au moment où il commet ses grands péchés, il ne les commet pas en ayant la foi et sa lumière. La foi et sa lumière. Ici s'achève la parole d'Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala dans Fathur Rahimi Al-Malik Al-Allam. Fa'akhbara na'am. Fa'bihada al-taqrir al-wafi wal-bayan al-bayin yadharu ma'ana hadha l'ismi al-azim wa yattadihu madloula. Cheikh Abd Razak, hafidhahullahu ta'ala, nous dit: grâce à cette explication claire et suffisante, Et cet enseignement et cet éclaircissement très clair nous apparaît désormais d'une manière très distincte l'explication de ce grand nom. Et nous apparaît clairement son sens. هذا ولما كان النور من أسمائه سبحانه وصفاته كان دينه نورا ورسوله نورا وكلامه نورا ودار الكرامة لعباده نورا يتلألأ والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم ويتم تبارك وتعالى عليهم هذا النور ويتم تبارك وتعالى عليهم هذا النور يوم القيامة كما قال سبحانه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت أو إنك على كل شيء قدير كما قال سبحانه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Et pour finir, ceci étant dit, et dès lors que la lumière est un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et un de ses attributs, alors sa religion est lumière, son messager est lumière, ses paroles sont lumière, la demeure de félicité pour ses serviteurs est lumière, qui rayonne, na'am, qui rayonne, qui scintille de lumière. La lumière attise leur cœur, attise le cœur de ses serviteurs croyants. Et se manifeste, ou bien elle court sur leur langue, et se manifeste sur leur visage. Et Allah tabaraka wa ta'ala complétera, parachèvera leur lumière le jour de la résurrection. Tout comme il nous le dit dans Surat al-Tahrim, leur lumière évoluera devant eux et sur leur droite. Tandis qu'ils diront, Seigneur, fais briller d'un plus vif éclat notre lumière. Accorde-nous ton pardon, car ta puissance n'a point de limite. Donc le contexte, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Et ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Ils demanderont à Allah, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Ainsi s'achève notre cours. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم يا نور نور قلوبنا بطاعتك. اللهم يا نور نور قلوبنا بطاعتك وبمحبتك وبالإنابة إليك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.